ma rage, prends le dessus sur le mental. Crash monumental, explique à ma haine sur instrumental. Quoi tu de cette goutte qui ferait déborder mon vase. De la tragédie qui m'empêcherait de redorer mon blaze. Quoi tu flics, ce sentiment qui te broie l'estomac. Glace le sang et te frappe le cœur comme un tomard. Quoi tu flics, sur ce morceau je déballe mes craintes en vrac. Pression, colère, angoisse, peur, inquiétude et traque. Quand tu mates mec, je sais pas à quoi tu penses. Quand tu me souris comme un con, je ne sais pas ce que tu manigances. Quoi tu flics, parce que j'ai un, je veux la maille respect. Jeune Renoir avec l'intention de tout péter. Quoi tu flics, j'ai basculé le mal et ta image de chill en string. Te fuck et tu fais payer le télo en prime. Quoi tu flics, parce que les types parlent mal plus vite que nous-mêmes à leur âge. Ils ont braqué pris le respect en otage. Quoi tu flics, parce qu'un black flingue un black, un rebeu flingue un rebeu. Un rebeu flingue un black flingue un rebeu. Quoi tu flics, peut se passer n'importe quoi, n'importe quel moment. Plus d'embûches dans mon parcours que de pages dans un seul roman. Quoi tu flics, galère de street life et des embrouilles gratos. Aujourd'hui le plus fond vous défonce, vous peut te mettre une bastos. Quoi tu flics, de moi même, car si tu me gifles sur la joue gauche, je te mets une pêche de la main droite et peut-être même te sortir le schlag. Quoi tu flippes mec, 2004, qu'est-ce t'y crois, dis-moi les francs, j'ai en peur de toi. Quoi tu flippes mec, je crois qu'on a tout vu, nos blessures on a recousu, plus personne n'est pris au dépourvu. Quoi tu flippes mec, mec que tu mérites ou pas, tu prends des grosses plaques, mais à part ça je flippe pas. Quoi tu flippes mec, même si c'est chelou, ça chute dans mes genoux, je dois tenir et rester debout. Pourquoi tu sais te faire confiance, négro je te connais pas. Seuls mes vrais proches et familles peuvent manger dans mes plats. Quoi tu flics, d'être trop boulgard c'est les bons qu'on baise. Vu cette rose rouge dans ce monde ténébreux qui veut son pèse. Quoi tu flics, et tomber dans le love et de me faire trahir. Je vois des putains de choses à la mode qui peuvent faire pâlir. Quoi tu flics, beaucoup de frères c'est clair préfèrent haïr. Refuse la gloire d'un autre frère sans gêne préfère salir. Quoi tu flics, j'étais seul tout, j'étais en règle et tout. Des sales keufs m'ont sorti de ma gauve à mon rue et de coups. Pourquoi tu flics, ça devient cadeau maintenant d'aller au star. Les watts vont flopper, Sarkozy est devenu une star. Sexe, drogue, argent, crime, haine, street, arme, deal. Quoi tu flics, mon pote et peu d'amis, même des ennemis dans mes amis. J'ai le choix des armes et j'ai un, je ne peux que gagner. Quoi tu flics mec, 2004, qu'est-ce t'y crois, dis-moi les francs, j'ai en peur de quoi. Quoi tu flics mec, je crois qu'on a tout vu, nos blessures on a recousu, plus personne n'est pris au dépourvu. Quoi tu flics mec, mec que tu mérites ou pas, tu prends des grosses plaques, mais à part ça je flippe pas. Quoi tu flics mec, même si c'est chelou, ça chute dans mes genoux. Je dois tenir et rester debout. Pourquoi tu flics, parce que personne n'est à l'abri. Tu sais, je la kiffe comme un dingue, je te jure. Et puis la faucheuse me la brise. Quoi tu flics, ça tourne pas, on fait flipper carrément. Mon roi des blins à mort. Cousin, je vis toujours chez mes parents. Quoi tu flics, les imposteurs inscrivent mon pseudo dans leur carnet. Je suis pas une gagne, je t'avoue des fois, je sors armé. Quoi tu flics, je prie Dieu, mais je ne sais pas ce qui me réserve. Puisse-t-il me protéger du danger, me préserver. Quoi tu flics, pneumonie atypique, sida nucléaire, Front National, genre. Je bouge, racisme, guerre. Quoi tu flics, d'avoir la gueule et de me prendre une raclée. Ou d'être la proie d'un cogneur voulant se faire remarquer. Quoi tu flics, que vous soyez pas encore prêts. Et dans 5 ans réécouter et vous dire le mec était frais. Quoi tu flics, en vrai je ne flippe pas, c'est juste que rien ne m'étonne. Ma life est une conne et attends-toi à ce que ça colle. Quoi tu flics mec, 2004, qu'est-ce t'y crois, dis-moi les francs, j'ai en peur de toi. Quoi tu flics mec, je crois qu'on a tout vu, nos blessures on a recousu, plus personne n'est pris au dépourvu. Pourquoi tu flippes mec, mec que tu mérites ou pas, tu prends des grosses plaques, mais à part ça je flippe pas. Pourquoi tu flippes mec, même si c'est chelou, ça chute dans mes genoux, je dois tenir et rester debout. Pourquoi tu flippes mec, 2004, qu'est-ce t'y crois, dis-moi les francs, j'ai en peur de toi. Pourquoi tu flippes mec, je crois qu'on a tout vu, nos blessures on a recousu, plus personne n'est pris au dépourvu. Pourquoi tu flippes mec, mec que tu mérites ou pas, tu prends des grosses plaques, mais à part ça je flippe pas. Pourquoi tu flippes mec, même si c'est chelou, ça chute dans mes genoux, je dois tenir et rester debout. Pourquoi tu flippes mec.